Dès le démarrage dans le hip-hop, nos faces produisent un décalage entre ceux qui émanent le colt et ceux comme nous qu'on décalage. Il faut qu'on se fasse, ça se propage. Qu'on détruise tous sur notre passage, l'instru nomade, on la rapage, on introdrage dans nos bagages avec mon sauce. On met la sauce. Alors prépare ton naufrage avec nos phrases, on vient graver notre rap, ça détonne comme l'orage, faut du courage. En cas de danger, on se couvrira comme des soldats, on vise dans le tas, c'est pire qu'un attentat, il faut qu'on mitraille ça, pas besoin de renfort. On est des forts. On vous dévore comme des voraces, vous voulez ruiner nos efforts, fermez les portes. Qui vous rase. On rentre par effraction, c'est corps, car les corps pleuvent comme des caillasses, on est coriaces, c'est face à l'acte, on est David contre Goliath, on déconne. C'était prédit. Qu'un jour notre flow ferait son comeback. On n'a pas fini nos études, mais ni qu'on garde le rap comeback et les obstacles. On les contourne. Dans les scènes bad, il faut qu'on tourne. On se rend malade à se demander quand est-ce qu'enfin viendra notre tour. Coup de pression, pression, comme une montée d'adrénaline. Quand la musique est sous tension, notre obsession la réanime. On a l'impression pression d'être sous l'effet d'amphétamine. En fait, la mine de nos crayons dessine des bouts de mots qui s'animent. On est sous pression, faut constamment être réactif. Pour éviter la répression, on se doit de rester créatif. Coup de pression, pression, coup de pression, pression. Mais voilà qui se passe. On restera hâle. Tel est notre devoir et notre mission. Impressionnant. C'est le mot pour définir notre niveau. On met un coup de pression au rap qui ne sort plus rien de nouveau. Le reste on s'en tamponne tant que le son sonne vraiment pro. Ça claque, donne-nous un microphone qu'on le cogne comme il faut. On esquive vos rimes, on est des pivots. Maintenant je crois qu'il est temps pour nous de venir piétiner votre réseau. Aucune pitié pour vous descendre, je vois pas de raison d'arrêter de tirer l'oppression. Ça sent l'attaque, ton pression, la détente. Encore plus violente qu'une agression. Quand je pose, ne pose pas de questions. Tu vas subir la pression comme un virus. Minus m'amuse et toi tu chopes l'infection. J'abuse ma ruse, augmente le buzz du hip-hop sous injection. Apprécie, t'apprécie. Part à la construction d'un phénomène qui s'étend dans les sous-bois jusqu'à l'horizon. On fonce tête baissée pour briser ceux qui font obstruction. Pas de guérison possible, on assiste à ta destruction. Coup de pression, pression, comme une montée d'adrénaline. Quand la musique est sous tension, notre obsession la réanime. On a l'impression d'être sous l'effet d'amphétamine. En fait, la mine de nos crayons dessine des bouts de mots qui s'animent. On est sous pression, faut constamment être réactif. Pour éviter la répression, on se doit de rester créatif. Coup de pression, pression, coup de pression, pression. Mais quoi qu'il se passe, on restera hâle. Tel est notre devoir et notre mission. Branche électrochoc. On met la pression sur une boîte de dingue hip-hop électropop. Ça fait devant ses notes. Ton cœur se stoppe. T'as pris ta première dose d'injection. Verbal et l'antidote, ouais. Car c'est des faces qu'on projette. Des faces comme un lance-roquette. Si t'es en face, vas-y check. C'est du bon son qu'on t'injecte. Pour toi, on se doit d'être un bec. Donc est-ce t'attends, signe un chèque. On a plein de textes hal. Ils vont venir bousiller leur blind test. Même en freestyle, on montre au mic. On est des AS. On a beau venir des pas. Soit on vient faire. J'ai toute ta tête. Oublie ta tête. On est balèze. Du coup, jamais on se fradèche. Si t'attaques, on riposte. Coup sur coup, on est des stratèges. On protège nos arrières. Les faux ne sont pas les bienvenus. On baisse les MC venus. Prématurément sous ses arrières. Ici, ça blague pas. Car c'est la streetman qui nous parraine. On est sous bois, c'est pareil. T'entends son des sirènes. Coup de pression, pression, comme une montée d'adrénaline. Quand la musique est sous tension, notre obsession la réanime. On a l'impression d'être sous l'effet d'amphétamine. En fait, la mine de nos crayons dessine des bouts de mots qui s'animent. On est sous pression, faut constamment être réactif. Pour éviter la répression, on se doit de rester créatif. Coup de pression, pression, coup de pression, pression. Mais quoi qu'il se passe, on restera hâle. Tel est notre devoir et notre mission. Coup de pression, pression, comme une montée d'adrénaline. Quand la musique est sous tension, notre obsession la réanime. On a l'impression d'être sous l'effet d'amphétamine. En fait, la mine de nos crayons dessine des bouts de mots qui s'animent. On est sous pression, faut constamment être réactif. Pour éviter la répression, on se doit de rester créatif. Coup de pression, coup de pression, mais quoi qu'il se passe, on restera hâle. Tel est notre devoir et notre mission.